22 observations. Excuse. Excusez-moi, je suis désolé. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est rien. Ça n'a pas d'importance. Ne vous dérangez pas. Laissez, laissez. Je vous en prie. Ne vous excusez pas.